se prend la tête. Ah, es-tu sérieux qu'il faut qu'on soit? Que tu le veuilles ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille. J'ai dit STLICHL 67, je te rappelle, les dames elles nous rappellent. À peine rendu chez elles, elles veulent le 6-7. Elles peuvent venir chill avec nous aussi, c'est pour un show, on peut flow a cappella. On est hot, j'aime pas pas ta femme appelle là. T'as vu ta pièce là, misère à bien là. Prends à te faire respecter comme ben là. Check ton domaine, change de domaine. Nous on veut du domaine, on veut pas de coups dans l'abdomen. Pas de domaine, au fond c'est notre style. Notre textile, 67 ton textile. J'fais du P-R-O, F-I-L. J'te chill en P-R-O, professionnel. Sac à fête, sang est là. Pas venu pour ça, c'est pour voir qu'il parle des gars. Mais on veut pas faire des dégâts dans ce cas. On chill et on danse jusqu'à la fin du party, mais on pense juste à avoir un bon temps, on reste tranquille. Est-ce qu'il garde escroc qu'on est un ami? On va pas se prendre la tête. Ah, est-ce plus sérieux qu'il faut qu'on soit? Que tu le veuilles ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille. On va pas se prendre la tête. Ah, est-ce plus sérieux qu'il faut qu'on soit? Que tu le veuilles ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille. Hey yo, c'est escroc. Si tu bounces la tête, faut pas que tu te blesses trop. Puis faut pas que t'essaies, passe la barre et belle. Yo, c'est escroc. Je sais que les bombes ils aiment trop. À chaque fois, je fais mon intro. Parce que mon shit y'est nitro. Je fais vibrer comme un clito. Au risque de faire débarquer du squad la police. On fait just chill en clip. J'ai petit rookie, vidéo clip. Ici y'a pas de petit rookie, les prérequis. Tout ce que t'as besoin c'est de travail. Tout ce que t'as besoin c'est de lift. Puis du nice form avec des nice jumps. Qui dans pour tax sont une nice job. Pour comprendre like that's right son. Sur sac pas content, embarqué. Sur sac pas content, embarqué. Sur en bas si tu veux chilling, chilling. Murder them killing, killing. On done enough of them feeling, feeling. On va pas se prendre la tête. Ah, est-ce plus sérieux qu'il faut qu'on soit? Que tu le veuilles ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille. Rien à faire, le son ne peut que plaire. Perds pas ton temps à terre. Le style est chill, c'est clair. 67. Rien à faire, le son ne peut que plaire. Perds pas ton temps à terre. Le style est chill, c'est bien clair. On connaît 67. On va pas se prendre la tête. Ah, être plus sérieux qu'il faut qu'on soit. Si tu le veux ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille. On va pas se prendre la tête. Ah, être plus sérieux qu'il faut qu'on soit. Que tu le veuilles ou non, le style est chill. Le son est posé et tranquille.